Merci, Daniel. Fait qu'à la deuxième partie, on passe à la période de questions, si vous voulez les écrire. Merci. Bonsoir à tout le monde. Pour le bénéfice de ceux qui viennent...